بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا مع أدب السؤال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى. Nous continuons à étudier cette conférence de Cheikh Salah al-Sheikh حفظه الله تعالى autour du comportement de la question. Comment poser la question aux hommes de science. وجاء في فقرة أخرى ترك السؤال عما لا تحتمله عقول العامة. L'un des comportements aussi, c'est de ne pas poser des questions qui peuvent déranger ou qui peuvent perturber le commun des musulmans. Dans des assises, il faut prendre en considération l'assise et ne pas poser des questions qui vont perturber certaines personnes, certaines catégories de la communauté. يقول حفظه الله تعالى: لعلنا نضيف من الآداب المتعلقة بالسائل ألا يسأل السائل عن أشياء لا يفهمها إلا الخاصة، ويثير السؤال أمام العامة أمام الملأ. Il dit: nous rajoutons ici un autre comportement qui a rapport avec celui qui pose la question, c'est-à-dire qu'il ne doit pas poser des questions que ne comprennent que les particuliers de la communauté. Il ne doit pas poser des questions qui vont être une perturbation pour le commun du musulman. يعني في مثل هذه المحاضرة يأتي سؤال قد لا يعلم معناه ولا يفهم جوابه إلا في أقليلة من طلبة العلم. فلما تسأل أمام الناس. Dans ce genre de conférence, peut-être que quelqu'un pose une question que la majorité et le commun ne comprennent pas le sens de cette question et ne comprennent pas de quoi il s'agit. Et cette question et le sujet avec lequel elle a rapport, c'est qu'une particularité. Ce ne sont que des demandeurs de science qui comprennent. Pourquoi dans ces cas-là, poser cette question en plein public comme ça? Comme par exemple, tu prends certaines questions très précises sur les noms, sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas les poser devant le commun, parce que ça peut les perturber. Certaines questions très précises au niveau des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas, tu n'as pas à les poser devant le commun du musulman, ça peut les perturber. كذلك إذا حضرت في مجلس عند يعني في مثل كذلك إذا حضرت في مجلس عند بعض أهل العلم فإن المجلس يحضر فيه العامي والمتوسط المثقف والمتعلم طالب العلم، فلا تسأل العالم وطالب العلم عن سؤال إنما هو للخاصة، يعني ليس للعامة. Tu peux te retrouver dans une assise. C'est un certain nombre de sciences, et cette assise, il y a beaucoup de communs qui y a. Ou des gens qui sont moyens au niveau de leur culture, ou des gens qui commencent tout simplement à apprendre. Donc ne pose pas au demandeur de sciences ou à l'homme de sciences une question qui est particulière et qui ne peut, que les communs ne peuvent pas comprendre. علي رضي الله تعالى عنه قال حجت الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ Et علي رضوان الله عليه nous a ouvert cette porte et nous a dit parlez aux gens avec des choses qu'ils comprennent. Vous voulez que ils prennent ils démontent la parole d'Allah et ils démontent le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut parler aux gens selon leur situation. Donc chaque situation a un discours qui lui est adéquat, qui lui convient. Et pas tout peut être dit à tout le monde. Et il y a même des fois des choses qu'on plie, qu'on ne dit pas, qui sont du domaine de Yotwa Wala Yorwa. On le plie, on ne le dit pas, parce que si on le sort, ça va faire une perturbation dans la communauté, ça va perturber certaines personnes. وهذا فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. Il y a aussi une preuve dedans comme quoi les choses qui ne sont pas claires, qui sont ambiguës, on ne doit pas les citer devant le commun des musulmans. Parce que ça va plus le perturber qu'autre chose. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه بقوله باب من خص بالعلم قوما دون آخرين كراهية يقصر فهمهم عنه فيقعوا في أشد منه. الإمام البخاري avec la clairvoyance que Allah سبحانه وتعالى lui a donné fait un chapitre dans son livre La Science dans son authentique. Il a ouvert un chapitre fait de rendre de certaines sciences de ne la donner qu'à certaines personnes par peur que les autres ne la comprennent pas et qu'ils tombent dans des situations qui sont pires. C'est-à-dire, une certaine forme de science ou un certain chapitre à rapport avec la science qui les réserve à certaines personnes parce qu'ils peuvent le supporter, ils peuvent le comprendre, etc. Ils ont le niveau, etc. Et d'autres, tu ne leur réserves pas, tu ne leur donnes pas parce que ça va les perturber plus qu'autre chose. Wa mimman karaha tahdit ببعض ندوبنا بعض الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإمام أحمد il n'aimait pas parler avec certains hadiths et de le dire devant tout le monde comme les hadiths dans lesquels il semble tout simplement le fait de l'autorisation de se révolter contre le gouverneur ces hadiths là dans lesquels il y a cette ambiguïté tu n'as pas à le parler devant tout le monde avec parce qu'il suppose alors qu'en réalité c'est pas ça Malik, rahimahullah ta'ala, il ne voyait pas le fait de parler avec les hadiths des attributs devant le commun parce que ça les perturbe. Et Abu Yusuf, il voyait que les hadiths qui sont raribs, les situations qui sont un petit peu particulières, il ne les citait pas. Et Hassan, rahimahullah, c'est-à-dire Hassan al-Basri, il a blâmé quand Anas a parlé d'un hadith de l'Uraniyin al-Hujjaj ibn Yusuf al-Taqafi. Le hadith de l'Uraniyin, c'est l'Uraniyin, ils ont fait quelque chose de très mauvais. Et le châtiment que leur a fait subir à Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam est très douloureux. Jamais le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam a fait subir un châtiment comme ce qu'il a fait subir aux Uraniyin. Et Anas a été trop rapide, il l'a annoncé à l'Hijjaj. Et Hassan lui a dit, t'as pas besoin de lui annoncer ça, ça va encore le pousser encore plus à tuer, à faire couler du sang. Il n'a pas besoin de ce hadith encore. Pourquoi tu lui donnes ce hadith? Il l'a blâmé à cause de ça. Parce qu'il sait ce qu'il va faire. Enfin, quand le hadith va renforcer une innovation, il va renforcer une innovation dans quelque sens. C'est-à-dire dans l'apparence du hadith apparaît qu'il va dans le sens de l'innovation. Dans ces cas-là, tu le mets de côté, tu ne l'annonces pas, parce que ça peut perturber certains. Alors que l'origine, c'est ce qui n'est pas voulu dans le hadith. L'apparence du hadith n'est pas demandée. La signification est tout à fait autre chose. Et dans ces cas-là, quand le hadith suppose une situation qui est fausse, tu ne l'annonces pas aux gens. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec après. Alors que la réalité, le hadith ne veut pas dire ça. Mais ils vont le prendre dans ce sens-là. Et dans ce cas-là, tu l'auras induit en erreur et tu l'auras mis des ambiguïtés dans la tête. كذلك مثال ذلك أن يأتي في مثل هذا الجمع المبارك ممن هم حريصون على الخير والأجر والتواب يأتي ويسأل عن بعض المسائل الدقيقة في الفقه في العقيدة الناس يطلب منهم المسائل العامة فيما يجب عليهم من العقيدة. Non, il dit, Hafidhahullah Ta'ala, et dans ce genre d'achise, celui qui veut le bien, qui veut la récompense, minallah Azza wa Jal, il vient, il demande, il pose des questions très précises et très minutieuses, que ce soit en ce qui concerne les croyances, ou en ce qui concerne l'aqida, les croyances, le fiqh. Et les gens, dans ce genre d'achise, ils ont besoin de sujets généraux, ils ont besoin de quelque chose qu'ils peuvent comprendre, comprendre, que ce soit au niveau de l'aqida ou autre. يقول الشيخ حفظه الله تعالى لكن لا ينبغي أن تسأل عن المسائل الدقيقة أمام من لا يفهم الجواب فيما لو أجاب المسؤول عن السؤال. Il ne t'appartient pas. Ça fait partie du comportement de ne pas poser des questions très minutieuses sur certains sujets, que ce soit le fiqh, que ce soit l'aqida, devant des gens qui ne vont pas comprendre la réponse, hein, et que leur intellectuel ne peut pas capter le sens de la réponse, etc., et qui vont le prendre peut-être mal, ça va être ambigu pour eux. Dans ce cas-là, tu ne la poses pas ce genre de questions. Maintenant, le kalam ala ba'di ahadith al-sifat, lati qad la yafqahu al-ba'd, fait de parler sur certains hadiths qui ont rapport avec les attributs de Allah, que peut-être certaines personnes ne comprennent pas. Donc tu t'abstiens dans ces cas-là. Le kalam ala ba'di al-ara' fi mawaqif yawm al-qiyamah, wa l'ikhtilaf fiha wa nahwi dhalik, de parler sur certaines positions, certaines opinions, donc de science, sur ce qui va arriver le jour de la résurrection. Dans une situation sur laquelle il y a des divergences. Tu ne parles pas, parce que le commun et les débutants, ça va les perturber encore plus, que tu ne vas pas leur rendre service dans ces cas-là. Ou le kalam à la base, daqa'iq al-masa'il, fil fiqh, wa ikhtilaf al-'ilm fiha, hada yaqul kada, wa hada yaqul kada, wa hada yaqul kada. Et le fait de parler sur certains sujets très pointilleux, en ce qui concerne la jurisprudence et les divergences d'hommes de science sur ce sujet-là, celui-là il dit ça, celui-là sa voix c'est ça, etc., etc., ceci est très dangereux pour le commun et pour les débutants. L'âme, il n'a pas besoin d'un seul mot, بدليله يمشون عليه. كذلك المبتدئ. Le commun des musulmans et les débutants, ils ont besoin d'un avis. Ils marchent dessus, hein, jusqu'à progresser. Pas à les perturber avec ils ont dit ça, tu le perturbes. Ah, tu lui crées de la zizanie dans son esprit. Donc il ne sait plus où est-ce qu'il va donner. Il ne sait plus. Ah là, il m'a dit ça, celui-là, il m'a dit ça, etc. Et tu as été la cause de sa perturbation. Donc, quand maintenant, toi, tu, par exemple, tu fais venir un homme de science quelque part, et après tu demandes aux gens si vous voulez les questions, vous écrivez. Quand toi, tu l'interrogales, avant de lire la question à l'homme de science, tu mets de côté ce qu'il faut mettre de côté. Ce que le commun ne peut pas supporter, puisque la cise, s'il y a du commun, beaucoup de commun dedans, tu mets de côté. Tu mets de côté parce que tu rends service, en réalité, aux gens qui sont là. Hein? Tu rends service des fois. Toi, tu lis la question. Et l'homme de science, il regarde. Pourquoi il a laissé cette question? Et il regarde la cise qui est devant lui. Il s'étonne. Et après, tu vas l'entendre. Mets-la de côté plus tard. Il ne répond pas parce qu'il voit que s'il répond à cette question, ça va le perturber. Il va te dire, celui qui a posé cette question qui vient me voir après. Comme ça, il va lui parler directement pour ne pas perturber les autres. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas répondre. Là, il prend en considération ceux qui sont là. Parce que peut-être que certains, ça va les perturber plus qu'autre chose, ça ne va pas leur rendre service. Ah. Donc, ولكن السؤال الخاص إنما يكون لأجل هذا السائل ولمن هم في طبقته. Et la question particulière et minutieuse, il est pour cette personne et ceux qui sont du même niveau que lui. Donc, on ne va pas la poser devant le commun pour perturber les communs. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Des fois, hein, entre la question et la recherche. Des fois, la question elle est formulée en forme de recherche. Donc, tu fais très attention à ça, hein, parce que quand il s'agit de la recherche, ceci, ça va amener à plus de détails, etc. Et peut-être que le commun qui sont là ne peut pas supporter, et le débutant qui est là, il ne peut pas supporter. Hein? Et ça va plus le perturber qu'autre chose. Parce qu'il faut faire la différence entre la question et la recherche. Hein? Des fois, celui qui pose la question, quand tu poses la question, il faut que ce soit très clair, que ce soit une question et pas une recherche. Tu n'es pas en train de faire une recherche sur le sujet. Des fois, celui qui pose la question, il ramène sa recherche en forme de question. Et ceci ne convient pas dans les assises dans lesquelles il y a le commun. Ça ne convient pas. Dans les conférences générales, etc., ça ne convient pas. Il dit le Cheikh, c'est ça qu'il dit, Abdallah Ta'ala, ne pose pas des questions sur des sujets que ne comprennent que les particuliers. C'est-à-dire ceux qui ont déjà un niveau. Famine adab al-su'al, an tas'ala bima yunasib al-hal, bima yunasib al-maqam, wa la tas'ala an ashiya la yastaw'ib al-jawab 'alayha akthar al-hadirin. Donc il fait partie du comportement, du fait de poser la question, c'est de poser la question qui convient à l'assise, qui convient à la situation, qui convient à l'ensemble des gens. Il ne pose pas des questions sur des sujets que la majorité des gens ne vont pas comprendre, qui ne concernent que certaines élites ou certains particuliers. Kadalika min adab as-su'al annahu yushra' al-istifsar wa al-muraja'a fi jawab al-mufti hatta yufham. Donc il permet aussi le fait de reposer, de reformuler la question, là de la reposer à celui à qui on a posé la question jusqu'à ce qu'on comprenne. Par exemple, tu n'as pas compris. Tu as posé la question était claire, mais tu n'as pas compris. Moi, tu as le droit de lui reposer la question, de lui demander des éclaircissements. Min al-adabi aydan annaka idha asalta fa ujibt aw sami'ta 'ilman fa innaka tastafsil fihi aw tastarji' fihi hatta tafhama. لأن بعض أهل العلم قد يكون جوابه سريعا. مثلا تسأل أنت وقد أتيت بأدب السؤال فراعيت السؤال وأتيت بكلمات واضحة وتأنيت فيه واستوضحت الصورة والمسألة فوضحت على العالم فيكون الجواب سريعا يكون جواب العالم ربما سريعا فهنا ينبغي لك أن لا تأخذ ما علق بذهنك في هذه الحال بل إذا كان عندك اشتباه فتستفصل منه أو تسترجعه في الجواب حتى تفهمه. Donc, il fait partie, il est du comportement de celui qui pose la question. Quand il pose une question et que lui réponse lui a été donnée, il a entendu quelque chose dans le cours de l'homme de science, il n'a pas compris, ben il pose des questions pour comprendre ce qu'il n'a pas compris. Certains hommes de science, peut-être sa réponse est très rapide. Hein? Toi, tu as posé la question. Tu l'as posé avec le comportement adéquat à celui qui pose la question. Tu as utilisé des expressions qui sont très claires. Et la question était brève, très claire, etc. Et l'image est claire. Dans ta question, l'image, elle est claire pour Cheikh. Mais la réponse était trop rapide. Hein? Et tu, peut-être que sa réponse, elle était trop rapide, donc tu n'as pas compris. Donc tu n'as pas à mettre en application ce qui s'est attaché à ton esprit, tout simplement. Puisque ce n'est pas clair, tu lui reposes la question, il n'y a aucun mal là-dessus. Hein? Et tu lui reposes la question pour sortir de l'ambiguïté et pour avoir plus de détails. Il n'y a aucun mal là-dedans. روى البخاري رحمه الله في صحيح عن أبي مليكة أنه قال كانت عائشة رضي الله عنها لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفها. الإمام البخاري رحمه الله عليه rapporte dans son authentique du hadith de Abi Mulayka que Aisha رضي الله عنها وارضاها chaque fois qu'il entendait quelque chose qu'il ne comprenait pas, il redemandait jusqu'à ce qu'il comprenne. Il redemandait, reposait jusqu'à ce qu'il comprenne. Aisha رضوان الله عليها dans ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari quand il a entendu le verset فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا قَالَتْ ceci Aisha quand il a entendu ce verset il va lui être les comptes qui vont être lui faits vont être faits des comptes très faciles. Il a posé la question à Rasoul Sassan comment les comptes vont être faciles. Il lui a dit ça c'est l'exposition de ses actes. Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam lui a éclairé, lui a dit ça, c'est l'exposition de ses actes. Mais celui avec lequel on va rentrer dans le détail et à chercher dans ses actes, celui-là, il va périr. On va commencer avec lui, etc. Hein? Cela, ça prouve quoi? Ça prouve qu'on peut, qu'on a le droit, ce n'est pas comme un débat, on a le droit de demander des éclaircissements sur ce qu'on entend et ce qu'on n'a pas compris quand on a posé la question. Et donc, Aïcha, le hadith, il commence comme ça. Man husiba udhib. Celui à qui on fait le compte, on va le châtier. Et donc, elle est là, devant elle, la parole de Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Un compte facile lui sera facile. Rasoul Salah, il a demandé la question à Rasoul Salah parce qu'il n'a pas compris quand il a entendu ça de Rasoul Salah. Et Rasoul Salah lui a éclairé, lui a dit, certes, ça, c'est tout simplement l'exposition. C'est-à-dire, quand le compte est facile, c'est juste l'exposition de ses actes. Mais si on commence à chercher avec lui, ben, il va périr. On commence à chercher dans les détails, etc. Ben, il va périr. Hein? Et c'est pour ça qu'Aïcha, il a posé la question. Et chaque fois, Aïcha, nous a ouvert cette porte au niveau de la question. Quand on ne comprend pas quelque chose, on pose la question pour avoir des éclaircissements. Ridwanullah alayhi. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله أيضا في كتاب العلم من صحيحه فالأدب الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا سمعوا شيئا يستشكل عليهم فإنهم يراجعون حتى يفهموا، حتى لا ينقلوا للناس نقلا خطأ أو حتى لا يعمل بشيء غير واضح. إيه الإمام البخاري رحمه الله عليه دون ليفر دو لا سيونس دون سون اوثنتيك لا بورتي لو كومبورتمون سور لوكيل ايتي لي كومبانيون دو محمد عليه الصلاه والسلام رضوان الله عليهم. Ils entendent quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils ont des ambiguïtés là-dessus, ben ils reposent la question à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'ils comprennent, pour ne pas transmettre aux gens quelque chose, des erreurs, hein, ou pour ne pas mettre en application quelque chose qui n'est pas clair. Et ça, c'est différent. C'est pas comme ce qu'on a vu au départ, le débat. Il y a une grande différence entre le fait de reposer la question pour comprendre et le fait de débattre avec Cheikh et de lui dire non, tel il a dit ceci, tel dit ceci, mais la situation s'approuve et ceci, etc. Là, c'est un débat, c'est différent. Tu n'as pas à le faire avec l'homme de science si tu lui as pas demandé de débattre avec lui. Mais le fait de revenir sur la question parce que tu n'as pas compris, ça c'est autre chose. Faïdan, hada yanbaghi lis-sa'il idha ujiba ولم يتضح له جوابا الا يترك السؤال على الجواب الذي هو غير واضح فاذا بيعمل بشيء غير واضح دونك il appartient et ça fait partie du comportement de celui qui pose la question quand il a la réponse et que c'est pas clair il a pas compris il n'a pas à la mettre en application et partir comme ça il a à redemander à l'homme de science des éclaircissements pour comprendre بل يسترجع ولا باس ان يقول ما فهمت الجواب او يقول هل كذا أو كذا فيستودي حتى يكون الجواب واضحا قارا في ذهنه. Donc il lui appartient à reposer la question au chef ou à lui dire carrément je n'ai pas compris la réponse ou est-ce que la situation c'est comme ça ou comme ça pour avoir des éclaircissements jusqu'à ce que la réponse lui soit claire. كذلك يجب أن يكون الإنسان لبقا مع الشيخ متأدبا مع الشيخ أو العالم من الآداب التي ينبغي للسائل مراعاتها. أن يكون لبقا مع أهل العلم متأدبا معهم وأن يكون لأهل العلم هيبة في صدره وتوقيرا في قلبه فإنك إذا زدت في احترام العالم وشعر بذلك منك فإنه يزيدك من العلم والجواب لأنك قد تحققت بالزيادة يعني أصبحت متأهلا للزيادة لأن دليل تأهل طالب العلم للتفصيل في الجواب والاستفادة الكاملة من العالم أن يكون متأدبا معه ما يأتي مثلا ويستعمل كلمات غير جيدة أو كلمات فيها جفاء بل يتأدب ويتحيل الفرصة الجيدة للعالم فيسأله وعليكم السلام. Donc fait partie du comportement. Tu dois avoir vis-à-vis de l'homme de science, c'est que tu dois prendre en considération le langage. Tu utilises un langage dans lequel on sent le respect et que tu aies dans ton cœur du respect pour l'homme de science. Pourquoi ? Ils le sentent. Ils sentent que tu as du respect pour lui. Et dans ta question, la formule de ta question, il faut qu'il y ait le comportement et le respect d'El Cheikh. Hein? Parce que cela, c'est le Cheikh, il sent que tu le respectes, etc. Ça veut dire que tu mérites qu'il t'augmente au niveau de tes réponses. Des fois, tu vois, certaines personnes, dans leur formule, ils posent des questions. Et Cheikh, il reste avec un quart d'heure sur la seule réponse. Des fois, d'autres sont secs dans leur formule de poser les questions ou dans lesquelles tu ne sens pas qu'il y a du comportement, bah oui, non. Très clair. Oui, non. Parce que c'est par rapport à ce que lui, il est. Et les cœurs se répondent. Là, tu sens si quelqu'un, il a du respect pour toi ou il ne l'a pas. Si quelqu'un, il te hait ou il ne te hait pas, etc. Là, ça se répond. Hein? Et donc, quand Cheikh, il sent le respect, etc., et le comportement dans la question, etc., bah des fois, il t'étale, il te détaille plus que ce que tu as besoin. Ouais, ça te donne plus encore de points à retenir, etc. Et des fois, c'est très bref, parce que la question était sec, il n'y avait pas de formule de politesse, rien. Et avec le savoir qu'il y a une vie, c'est de le faire dégager, de ne plus l'entendre à l'écoute, etc. Et c'est tout à fait normal. Nous devons avoir, être dignes du comportement de celui qui pose les questions. Et si on ne respecte pas les hommes de science, qui on respecte, hein? Les hommes de science, ce sont, hein, les éclaireurs de cette communauté, ceux qui donnent la lumière à cette communauté, ceux qui sortent du dilemme, des ambiguïtés, des problèmes sociaux, etc., qui t'aident à sortir de... Si on ne les respecte pas, on va respecter qui, hein? Donc c'est tout à fait normal, hein? Donc, il faut utiliser le langage adéquat et dans lequel il y a des formules de respect vis-à-vis de l'homme de science, etc. Il faut que ce respect sorte, que ce soit un sentiment réel dans l'intérieur de la personne. Il faut faire sentir à un homme de science que tu le respectes, etc. Hein? Et dans tes questions, Ihfadukallah, kada, jazakallahu khairan, kada, kada, kada, il faut qu'il y ait des formules de politesse avec l'homme de science. Et aussi, quand tu es devant lui, il faut qu'il y ait aussi le comportement dans l'assise. Regarde, Jibril, alayhi salatu wassalam, la position du demandeur de science. Il s'est assis, regarde comment il a posé ses questions, et sa position, comment il était, très calme, etc. Et les questions, l'une après l'autre, etc. Donc, on a un comportement à voir qui est dans la sunna. Hein, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté vers ce comportement. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, Jibril alayhi salatu wassalam, pour acquérir ce comportement que nous devons avoir vis-à-vis de nos hommes de science. Kadalik, حسن اختيار الوقت للسؤال من الآداب أن تختار وقت السؤال في أوقات أهل العلم ما هذا ليس وقت للسؤال عند العالم عنده عائلة عنده عنده عنده il faut aussi choisir le moment pour poser la question à l'homme de science. Il a une vie, l'homme de science, il a une famille, hein? Il est comme tout un chacun, c'est un être humain. هنا تنبه إلى أن أوقات العالم تختلف فهناك وقت قد يكون مناسبا لك لا يكون هو مناسبا له. Les horaires d'homme de science et le temps d'homme de science est différent. Peut-être que le moment où toi tu poses la question, ce moment il te convient, mais il ne convient pas à l'homme de science. فيكون الجواب الذي جاءك بحسب حاله هو قد يكون مستعجلا. Et des fois tu lui as posé la question pas au bon moment, donc sa réponse va être très rapide. Parce que toi, c'est le bon moment pour toi, mais ce n'est pas le bon moment pour lui. Hein? C'est pour ça que maintenant, tous presque, ils ont pris de réserver un temps bien précis pour la réponse. Il s'assoit, hein, dans à la maison, etc. Il sait que Dol Asr al-Mourbi répond aux questions. Donc il ne s'est libéré rien qu'à ça. Hein? Et donc ça, il faut, quand tu appelles un homme de science, etc., il faut que tu saches les créneaux horaires qu'il y a réservé aux questions. Donc comme ça, tu ne perturbes pas. قد يكون وراء الشيخ أمر قد يكون وقت صلاة قرب فيريد أن يستعد بوضوء أو نحوه. Parce que le cheikh il devait faire quelque chose et toi tu l'as appelé à ce moment-là. Peut-être c'est l'heure de la prière chez eux. Il veut se préparer, il veut faire son wudu, etc. Peut-être que c'est lui l'imam de la mosquée, hein, ou autre. قد يكون وقت نومه tu l'as appelé au moment où lui il va se reposer. قد يكون عنده ما يشغله peut-être qu'il est préoccupé à préparer sur des recherches ou autre chose ou sur les affaires de sa famille, etc. قد يكون في البيت شيء يهمه ويقلقه peut-être que dans sa maison il y a quelque chose qui le dérange. Un mur qui est tombé, un plafond qui fuit, etc. Et ça le préoccupe. Et donc toi tu appelles à ce moment-là. Et donc c'est pas un bon moment pour lui. قد يعالج في دينه مسألة من المسائل التي في المجتمع أو التي يريد أن يبدل فيها بعض الشيء فيكون ذهنه منشغلا. Et peut-être qu'il est en train de réfléchir sur une situation d'une société ou d'une communauté. Il essaye de lui trouver la solution. Et ça le préoccupe. Et donc toi tu viens et tu le déranges à ce moment-là. Et sa réponse ça va être très bref. فينبغي أن تراعي حال العالم حين تسأله. فتقول له هل هذا وقت مناسب للسؤال أو أرجئ السؤال إلى وقت آخر فإذا قال أرجئه إلى وقت آخر أخر سؤالك. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes en considération le temps et la situation de l'homme de science. Et tu lui dis au départ, est-ce que ça c'est un moment pour vous poser la question ou pas? S'il te dit, retarde ta question, à plus tard tu retardes, ne pose pas la question. Parce que lui il connaît sa situation. Et donc il sait qu'il n'est pas prêt à répondre, ou qu'il est en train de faire autre chose. Donc tu retardes ta question. Tu ne commences pas. Pourquoi il ne me répond pas, etc. Moi j'appelle de loin, etc. Et après, retarde ta question, c'est tout. Si tu veux avoir une question, ça fait partie du comportement que tu dois avoir vis-à-vis des hommes de science. Fa yakun hada fi ziyadat adab lak. Wa ajrul lak. En agissant ainsi, tu as augmenté ta part de comportement vis-à-vis de l'homme de science et tu seras récompensé min Allah Azza wa Jal. ويكون قد راعيت وتأدبت وإداءت وقت آخر وسألته يكون مهيئا مهيئا نفسه لأن يفصل لك ويجيب في المسألة بما ينبغي. Et ainsi, tu auras pris en considération la situation du cheikh. Il t'a été digne du comportement que tu devais avoir. Et quand tu vas l'appeler après une autre fois, le moment qu'il t'a donné, ben, il va être prêt pour toi. Il va te répondre. Des fois, il attend ton code de téléphone. Des fois, combien de fois on appelle pour des situations, Cheikh Abdallah ou autre, il nous dit, ben, rappelle après Salat al-Asr. Et des fois, on laisse, il dit, je t'attends depuis Salat al-Asr, j'étais là, etc., etc. Il t'attend. Hein? Il attend parce qu'il sait c'est de son devoir. Et donc, il veut aussi s'acquitter de son devoir parce qu'il t'a dit. Hein? Donc, il s'est imposé quelque chose et c'est un devoir de te répondre. Donc, il attend ton code téléphone. Donc, tu le rappelles et tu vas voir qu'à ce moment-là, il va dire, vas-y, détaille ton histoire, ta question. Quand tu vas la détailler, tu vas voir, tu vas être assouvi au niveau de la réponse. Hein? Parce qu'il prend en considération aussi le comportement et ta façon de faire. Fal muttasil da'iman hada walid huwa al murtah. Celui qui appelle, c'est toujours celui qui est, qui n'a rien, qui n'est pas préoccupé. Ou amma al-muttasil bih, fala yudra halu. Quant à celui qu'on appelle, et qui est l'homme de science, on ne sait pas sa situation, comment il est. Mais toi, tu sais ta situation. Hein, tu es tranquille, tu as pris le téléphone, tu téléphones pour avoir une solution à un problème quelconque. Toi, tu connais ta situation. Mais l'autre, de l'autre bout, à l'autre bout, est-ce que tu sais comment il est sa situation? Tu ne le sais pas. فهذا يظن أنه ينبغي له أن يقول له العالم كذا وكذا وأن يرحب به أعظم ترحيب وأن يفصل له أعظم تفصيل. لا يدري ما حال المتصل به. Et dans ces cas-là, celui qui téléphone, il veut que l'homme de science lui détaille la situation. Hein? Il lui dit ceci, cela, et qu'il l'accueille, bienvenue, etc. Et je ne sais plus quoi. Hein? Il ne connaît pas la situation de l'homme de science de l'autre côté. Hein? Il ne sait pas. Donc, quelle situation elle est? Un problème, un de ses enfants qui est malade, autre, etc. Hein? Fatigue, autre. Hein? La Edri, tu ne sais pas. أحوال الناس في بيوتهم وفي أعمالهم مختلفة وقد يكون الدين منشغلا بتلك الحال. Et la situation des hommes de science, etc., chez eux, ou dans leur travail, etc., sont différentes. Peut-être que son esprit, il est préoccupé. T'as un homme de science que tu appelles peut être prof à l'université, il est imam de mosquée, il est responsable d'un centre de dawa, il est, etc. Il est responsable d'un groupe de ceux qui ordonnent le bien, ils blâment le mal, etc. Il est le responsable de toute une section d'enseignants, etc. Donc il y a autre chose qui rentre en ligne de compte. Il n'y a pas que ça. Hein? Il y a un certain nombre de sciences, ben, ils ont beaucoup de fonctions. Cheikh Abdullah al-Bukhari, Abdallah ta'ala, il supervise les imams dans certains secteurs de Médine. Donc, il a la responsabilité de plusieurs imams. Plus il est imam dans une mosquée, plus il est prof à l'université. Plus les recherches scientifiques. Donc, il est évident qu'il s'organise et qu'il fait des temps bien particuliers pour les questions, etc. Et qu'il y a des moments où tu l'appelles, tu le dis, tu ne peux même pas le trouver. Le téléphone, il est fermé ou là, il ne répond pas. Il le met au loin. Il sonne et des fois, il regarde. Si c'est important, bah, il répond, des fois il ne répond pas, il le met au loin parce que le temps n'est pas à la question, il a autre chose à faire que répondre à la question. Hein? Et il faut donc tout ça le prendre en considération pour être digne du comportement que nous devons avoir avec les hommes de science. Walla yadunna anna al-mas'oul aw talib al-'ilm idha su'ila annahu da'iman dihnuhu fi nafs al-mustawa wa fi nafs at-ta'il bi an yujiba da'iman jawaban mufassalan bi adillati ila akhir. Il faut pas croire que celui à qui on pose la question, hein, son esprit est tout le temps libre, il est pas préoccupé. Hein, il a des choses qui le préoccupent et que tout le temps il est dans la même situation, hein, et donc là même largesse d'esprit, etc., etc., et qu'il doit tout le temps répondre tout en donnant des détails, etc. لهذا لو تذهب مثلا وترى في المدونة الإمام لما دون الإمام مالك رحمه الله في أسئلة إمام مالك وبعض أصحابه والأجوبة وكذلك أسئلة الشافعي وكذلك أسئلة أصحاب الإمام أحمد رحمه الله عليه لا تجد الأجوبة متفقة من حيث التفصيل وعدمه. Ça quand tu regardes dans le مدونة, celle qui est la référence de المالكية, laquelle on a recueilli à peu près toutes les questions qui ont été posées à l'imam Malik, etc., à certains de ses disciples, etc., on les a réunis là. C'est quand tu vois dans ce qui a été réuni pour l'imam Shafi'i, et ce qu'ont réuni les compagnons de l'imam Ahmad, tu vas voir qu'il y a des situations qui sont très différentes, où le détail n'existe pas, presque inexistant. Des situations dans lesquelles le détail est énorme, et d'autres situations, le détail n'existe pas. Si oui, non, il est permis, il n'est pas permis. فلو رأيت المسائل المختلفة عند الإمام أحمد فقط تجده يسأله سائل فيكون الجواب لا يصلح هذا أكرهه وفي مسائل أخرى تجد أنه يفصل. Tu vois, des fois certains sujets dans lesquels la question a été posée à l'imam Ahmad rahmatullah alayh, il ne détaille pas, il dit ça ce n'est pas bien, ça je le déteste, ça c'est pas bon, et dans d'autres cas il détaille. وفي مسائل أخرى il détaille, il ramène un grand détail. Lima, fi mawdi'in ikhtasar wa fi mawdi'in fasar. Pourquoi dans ces cas-là, quand toi tu lis, il faut que tu saches le pourquoi et le comment. Pourquoi là il a détaillé, pourquoi là il a été, il a fait très court et très bref. Une phrase. نحن نقرأ الكتاب لا نستحضر الحال التي سئل فيها ذاك السؤال والحال التي سئل فيها السؤال مرة أخرى. Nous quand on lit, on ne se présente pas à l'esprit la situation dans laquelle il était quand on lui a posé la question, quand il a donné le détail, on ne se présente pas à l'esprit la situation dans laquelle il a été bref, pourtant pour la même question. On ne se présente pas ça à l'esprit, nous juste on lit. On n'a pas à l'esprit sa situation dans laquelle il était. وإنما نقول لما فصل في موضع وفي موضع لم يفصل. وإنما أجاب بإجابة نقصان. Si arrive à notre esprit, pourquoi l'imam a détaillé là et là il n'a pas détaillé. Voilà ce qui arrive à notre esprit. C'est tout. Mais on ne se pose pas la question sur la situation psychologique et la situation de l'imam au moment où on lui a posé la question. واقع الحال وواقع العالم النفسي والدهني والزماني والمكان يفرض عليه أشياء كما سيأتي أيضا. ولهذا ينبغي أن يرعى ذلك في حال سؤال أهل العلم. Donc la situation psychologique de l'homme de science et la situation de son esprit reposé ou pas reposé, le moment aussi, le lieu où il est, impose à l'homme de science la réponse qu'il a donnée. Et donc tout ça, il faut le prendre en considération. Des fois, poser des questions à Cheikh Abdullah al-Bukhari, il est au marché en train de faire des questions. Vas-y vite, je te donne juste ça, rappelle-moi après. Il ne peut pas, qu'est-ce que tu veux faire? Il est en plein marché, en plein magasin. Entre le rayon de riz, etc., et d'acheter des trucs, il va te répondre. Rappelle plus tard. Il faut prendre en considération la situation de l'homme de science dans laquelle il se trouve. Et sur ça, quand tu l'es dans le Moudawana ou dans ce qui a été édité dernièrement, les sujets de l'imam Ahmed qui ont été édités dernièrement, tu vois dans certains passages la même question. Là, il a détaillé, l'autre point, il n'est pas détaillé. Donc, il faut prendre en considération la situation psychologique et à quel moment les questions ont été posées à l'imam. Tout ça, il faut le prendre en considération. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, hibru l'umma fi l'Qur'an, wa hibruha fi kulli shay, yani kathir l'ilm. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم فحصل العلم فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه مكث زمانا طويلا تردد في نفسه من المقصود من المرأتين في قول الله سبحانه وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه l'exégète ديال القرآن par excellence. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a fait un dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la science et le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam est exaucé. Il est resté très longtemps à hésiter à poser la question à Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu sur les femmes concernées par ce verset. Où vous allez vous repentir vers Allah car vos cœurs ont penché et ne sont plus sur le comportement adéquat vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne sait pas qui de quelle femme il s'agit dans ce verset. Il a mis du temps, beaucoup de temps, pour poser la question à Omar ibn Khattab. Il n'a pas posé pendant la khilafa d'Abu Bakr, rien. Il a attendu vers le milieu de la khilafa d'Omar ibn Khattab. Il essayait de chercher le moment adéquat pour pouvoir poser la question. Manil Mar'atan, قال ابن عباس تردد ذلك في نفسي زمنا طويلا وهبت أن أسأل عمرا، لأن عمر كان يحب ابن عباس وكان يقدمه في المجالس ويباهي به كبار الصحابة لما يظن ويلمح فيه من علم وتأودة وأدب وفهم عنده في الكتاب والسنة. إذن كي سون لي فام عبد الله بن عباس يقول موا جي مي بوكو دو طون بور بوفوار باسكو جافي دو ريسبي de Omar ibn al-Khattab, je ne pouvais pas lui poser la question. Donc il a hésité beaucoup de temps avant. Pourquoi? Parce que si Omar ibn al-Khattab aimait beaucoup Abdullah ibn Abbas, il le mettait en avant, il le rentrait au milieu des grands compagnons qui ont vécu Badr et autres, parmi les grands chouyours des Sahaba, il était au milieu parce que Abdullah ibn Abbas avait de la clairvoyance, avait du comportement et avait la compréhension du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète. C'est pour ça qu'Omar ibn al-Khattab, il le mettait en avant et il le prenait dans les réunions des grands. Qala ibn Abbas hibtu an as'ala Omar an al-mar'atayn allatayn tadhaharata ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Qala hatta kana منصرفه مرة من الحج فصحبته فقال لي ابن عباس قرب لي وضوءا يعني ماء، فلما قربت له الوضوء قلت في أثنائه يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال فيهما الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما. قال فأجابني عمر فقال عائشة وحفصة. وقاضي ابن عباس رضي الله عليه يدي j'ai du respect pour عمر بن الخطاب. Je ne pouvais pas chercher le moment adéquat pour lui poser la question de qui il s'agit. Deux femmes qui ont dévié un petit peu à un moment donné du comportement et qui ont commencé à répondre au prophète alayhi salam et à exagérer vis-à-vis du prophète alayhi salam. Et une fois, quand il est revenu de l'Hajj, il a demandé, Omar ibn al-Khattab a demandé à Abdullah ibn Abbas de lui ramener l'eau pour l'eau d'eau. Et au moment où il lui a ramené l'eau d'eau en train de lui verser de l'eau d'eau, il lui a dit au prince des croyants, c'est qui les femmes dont il s'agit dans le verset? Et Omar ibn al-Khattab lui a répondu à ce moment-là. Il lui a dit, c'est Hafsa et Aïcha. Hein? Et donc, et aussi le moment, tu cherches le moment adéquat, même si tu es proche de l'homme de science, tu cherches le moment adéquat pour pouvoir lui demander, lui poser la question. وكان ابن عباس ربما توسد بردته في يوم حار عند باب احد الانصار ليستفيد منه علما. Et des fois Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu il partait, il entendait qu'un habitant de Médine, un ansar, avait un hadith du prophète alayhi salatu wasallam ou une science, il partait, il restait devant la porte, il frappait pas. Arrivait peut-être au moment de la sieste, il restait devant la porte pour ne pas le déranger jusqu'à ce que l'homme sorte, et à ce moment-là il lui pose sa question. وما سمع عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتثبت منه أو أراد أن يأخذ منه مباشرة فيأتي فيطرق الباب فيقول هو قائل يعني نائم أو هو في الدار أو مثل ما يقول أحدنا اليوم هو مشغول أو نحو ذلك فانتظر انتظر ينتظر حتى يخرج إليه فلما يخرج يا ابن عم رسول الله منذ متى وأنت هنا فقال ابن عباس منذ كذا وكذا Des fois, Abdullah ibn Abbas lui est arrivé d'entendre qu'un compagnon, il a un hadith, il est allé. Et quand il a frappé à la porte, ils lui ont dit, il fait sa sieste. Il l'a laissé, il a pris son nizar, il l'a mis sur son rida, le truc avec lequel on se couvre sur le pont, il l'a mis sous sa tête, il s'est endormi. Il y a la poussière, le vent, etc., qui passe et qui touche Abdullah ibn Abbas, le vent, la poussière qui le touche sur ses cheveux, sur son visage, etc. Il reste comme ça. Pourtant, il est le neveu du prophète, alayhi salatu wasalam. Et quand l'homme il sort de la maison, il dit, Abdullah ibn Abbas, depuis quand tu es là? Tu aurais dû me dire, je serais venu vers toi. Il dit, non, c'est toi qui as la science, et c'est moi qui dois venir vers toi. Et donc, il attend, il patiente. Comme ils disent les Maghrébins, c'est le verre qui va vers la jarre, et non pas la jarre qui va venir vers un... Pour pouvoir boire, tu prends ton verre et tu vas et tu te sers. C'est pas la jarre, la bouteille qui va venir vers toi. Tu vas la chercher, tu verses, etc. Madame Abdullah ibn Abbas, il savait ça, il le mettait en pratique. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé, il lui a donné cette place. وكان يتوسل البردة وتسفي الريح تراب عليه تدللا في العلم واحتراما لأهل العلم. Il agit ainsi pourquoi? Il restait dans la poussière, etc. et dans la chaleur. Pourquoi? Par respect à l'homme de science et par respect à la science. Par respect à l'homme de science et par respect à la science aussi. فلما رآه على هذه الحال انشرح صدره المسؤول ان يجيبه عما اراد وعظم في نفسه. Il compte la personne, le compagnon, il a vu Abdullah ibn Abbas dans ce cas-là, son cœur s'est réjoui. Il lui a répondu, il lui a donné le hadith qu'il avait. فكان ابن عباس اذا سال اجيب غير كثير ممن هم في طبقته من الصحابه رضي الله عن الجميع. ولهذا قال كلمته المشهوره دللت طالبا فعززت مطلوبا. Et ça, comme Abdullah ibn Abbas, par rapport à d'autres compagnons, répondait beaucoup. Il donnait beaucoup de verdicts. Il avait beaucoup de science. Dans certaines générations, dans la génération du compagnon, et c'est pour ça qu'il a dit, sa parole réputée, je me suis rabaissé en tant que demandeur, et j'étais élevé et honoré en tant que demandé. C'est-à-dire au moment de la demande, je me suis rabaissé pour aller chercher la science. Et j'ai souffert pour aller chercher la science. Et après, maintenant, on me la demande. Je suis honoré. Les gens viennent vers moi pour la demander. يعني لما كنت طالبا كنت أذل لمن أستفيد منه. Dire quand au moment de la demande, il se rabaissait, il respectait, il se mettait, il était humble et modeste devant celui qu'il demandait. ولكن لما احتاج الناس إلي عززت مطلوبا لأنه صار عندي من العلم ما ليس عند غيري. Et il dit, quand, cela veut dire dans sa parole, et quand j'ai eu la science, j'étais honoré par la science que j'ai eue. Et cette science, comment il l'a eue? Il a respecté ceux chez qui il l'a demandé. Il a été modeste pour aller à sa recherche. وقال ابن عباس لبعض الأنصار, Dieu regarde parmi nous maintenant. Par exemple, certains hommes de science se sont déplacés jusqu'ici. On dit voir au début, dans les années 99, à l'époque où Cheikh Al-Albani était encore vivant, en 98-99, on ramenait Cheikh Ali Hassan en or, peut-être il y a votre nombre tout simplement. Votre nombre. Pour te dire, et les voir, regardez, Cheikh Zaman Al-Hajiri est arrivé jusqu'à Grenoble, combien de gens se sont déplacés? Combien de gens se sont déplacés pour aller voir Cheikh Abdelrahman Al-Adani? Pour voir comment eux, ils considéraient les situations et comment nous, on agit. Comment ils donnaient de leur temps pour aller à la rechercher. Et comment nous, peu importe, l'homme de science est arrivé du Yémen, il est arrivé d'Arabie Saoudite, il est arrivé de loin. Pour nous, ça fait ni chaud ni froid. Alors qu'on a besoin d'aller à cette assise d'homme de science, etc. Pour voir comment la volonté qu'ils avaient et le respect qu'ils avaient de la science et des hommes de science, comment ils faisaient. Quand tu vois la vie et la biographie du Tupizé Abdullah Alim, ils ont souffert, les voyages qu'ils faisaient. Est-ce que c'est les mêmes voyages que maintenant? Quand l'imam Ahmed il est parti au Yémen pour voir l'imam Abdelrazzak pour prendre chez lui. Pourtant, il l'a rencontré à la Mecque, au Hajj. Et le compagnon qui était avec l'imam Malik lui a dit, on lui pose nos questions maintenant. Il a dit non, moi je suis venu pour aller apprendre chez lui et aller le voir là-bas au Yémen. Il a continué, il a laissé terminer son hajj. Et après il est allé le voir jusqu'au Yémen. Regarde, pourtant il aurait pu se contenter de ce qu'il a là. Mais il avait l'intention d'aller le voir au Yémen et d'apprendre chez lui au Yémen, de lui poser les questions au Yémen. Il a entendu d'être au Yémen. Est-ce qu'on pourrait agir ainsi? Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés? Pourquoi il leur a facilité tout? Parce que par rapport à la volonté et à l'intention qu'il disait, c'est tout. Tout est dans notre intérieur. La volonté que nous avons et notre vouloir et notre intention. Qu'est-ce qu'on veut? وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لِبَعْدِ الْأَنْصَارِ وَكَانَ صَدِيقًا لَهُ اِذْهَبْ بِنَا يا أخي لا صحابة رسول الله نسألهم عن العلم ونستفيد منهم. فقال ذلك الأنصار يا ابن عباس أتظن الناس سيحتاجون إليك وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار بين ظهرانهم؟ قال فتركت العلم والسؤال وذهب ابن عباس يسأل. إيه عبد الله بن عباس disait à certains habitants de Médine, certains Ansari, viens qui était son camarade. Viens avec moi, on va demander la science aux compagnons qui sont vivants encore pour profiter de leur science, etc. et pour apprendre. L'Ansar lui a dit à Ibn Abbas, tu crois que les hommes vont avoir besoin de toi alors que les compagnons du prophète sont vivants, ils sont là, les grands compagnons sont là? Et il a dit, ce compagnon a délaissé la science. Ibn Abbas, il est allé demander la science. ذهب كبار الصحابة فأتى زمن ابن عباس فيه وهو من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتاج الناس إلى علمه واصبح يجيب الناس بما فتح الله جل وعلا عليه ومن عليه من العلم. Et les compagnons du prophète, les grands compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام sont morts. Hein? Et Abdullah ibn Abbas fait partie aussi des grands compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام. Et il est arrivé à ce moment-là, les autres, une fois que les grands compagnons ont disparu, sont morts, est arrivé le moment d'Abdullah ibn Abbas. Et les gens avaient besoin de sa science, avaient besoin de ses verdicts, avaient besoin de lui poser des questions. Cette science qu'il avait cherchée alors que l'Ansari, qui était son camarade, a digné chercher. شاهد من ذلك أن السائل والمتعلم يحتاج إلى أدب وهو مراعاة أهل العلم ولا يضيق بالعالم إذا لم يفتح له صدره دائما. بشر هو أحيانا يكون على حال وأحيانا يكون على حال أخرى، وهذا لعله من أسباب عدم إكثار الصحابة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا معه وتوقيرا له عليه الصلاة والسلام، وحتى يكون ذلك أبلغ في الأدب مع عليه الصلاة والسلام. هذا من جهة أدب السائل. Donc, le témoignage ici, c'est que celui qui pose la question et celui qui veut apprendre a besoin de comportement. Il a besoin de prendre en considération la situation des hommes de science et que il ne doit pas être prendre au mal certaines situations qui émanent d'hommes de science. Parce que l'homme de science est un être humain, comme tout être humain. Hein? Et il a des situations et des moments et des moments. Hein? Et des fois, il a certaines situations où il n'est pas bien dans son assiette. Parce qu'il y a quelque chose qui le préoccupe. Un problème ou autre, une maladie de son fils ou autre, on va voir. Hein? Et c'est pour ça, disent les hommes de science, que peut-être c'est pour ça que les compagnons de Mohammed alayhi sallam n'ont pas posé beaucoup de questions à Rasoul sallallahu alayhi sallam. Par respect du prophète alayhi sallam et par comportement vis-à-vis du prophète alayhi sallam. Hein? Pour être au sommet du comportement vis-à-vis du prophète alayhi sallam. Ça, ce sont le comportement que nous devons avoir vis-à-vis des hommes de science. فالآن نأتي إلى كيف يكون السائل. السائل يكون رحمة بالمجيب، تكون رحمة المجيب بسائل وعذر السائل للمجيب. Il faut avoir si la position de celui à qui on pose la question. Souvent, il a la clémence, il a la pitié, il a un bon sentiment vis-à-vis de celui qui à qui il répond. Celui qui pose la question. Et aussi, celui qui pose la question doit excuser l'homme de science. Il doit lui trouver des excuses. Hein, au cas où il y a quelque chose. أما العالم فإذا نحتاج إلى أن يكون أو طالب العلم معه أدب في الجواب. Donc l'homme de science, il a aussi son comportement à voir quand il donne sa réponse. Le demandeur de science, la même chose. Quand il répond à quelqu'un, il doit avoir un certain comportement. وأهل العلم يعلمون ذلك وهم الذين يعلمون غيرهم في ذلك. Et les hommes de science connaissent tout ça. Et c'est eux qui l'enseignent aux autres. J'ai une dans certaines assises, il y a des gens qui viennent juste pour apprendre le comportement. Il y a l'assise dans certains hommes de science devant l'imam Ahmed, devant Abdullah ibn Mubarak, etc. Des fois, tu as des mille, plus de 2000 personnes qui sont là. Il y a 500 qui écrivent et les autres, ils apprennent que le comportement. Ce n'est pas encore le moment d'apprendre, juste le comportement. Et donc ça, le comportement, les hommes de science le savent. Et jusqu'à une certaine période, il y avait encore des assises au haram, où les étudiants, avant d'aller, le haram al-madani, avant d'aller à l'apprentissage de la science, ils passaient dans des cercles d'enseignement de comportement. C'est pour ça que maintenant, le Cheikh Abdelrazzaq, Hafidhahullah Ta'ala, a ouvert son livre, le livre d'Adab al-Mufrad. Hein? Là, beaucoup de mashayikhs sont revenus maintenant. Ils enseignent quoi? Riyad Salihin. Parce qu'il y a du comportement dans Riyad Salihin, etc. Comportement que nous devons avoir sur les 24 heures. Pas tout simplement au niveau de la demande de science. Sur les 24 heures. Sur ta vie entière, du début, de la sincérité, jusqu'à ce que tu vas retrouver hein, le jour de la résurrection. Hein. Et je crois que les cours d'Yel Cheikh Abdelrazzaq maintenant sur le livre Adab al-Mufrad, il est arrivé à 150 cours maintenant sur le livre, au plus que ça. فإن كان من بعض طلبة العلم أو المنتسبين للعلم أو العلم ما لم يكن للسائل حفيا أو اشتد على السائل أو وبخه فلا يغضب السائل. Et si il arrive que de la part de certains demandeurs de science, ou de la part de certains mashayikh, hein, qui n'a pas été doux avec celui qui a posé les questions, qui était sévère avec lui, ou qui l'a blâmé, que celui qui a posé la question ne doit pas se fâcher. J'ai rencontré des jeunes de Belgique à Mecca, et la première des choses qu'ils m'ont dit, ce sont plaints de Cheikh Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. Cheikh Fawzan a terminé sa conférence, a terminé le question-réponse. Il est sorti. Et au moins, il voulait quelque chose de parti. Lui, ils sont allés le voir. Il leur a dit non. C'est pas le moment, ça y est. Après plus d'une heure et demie de conférence, plus les questions, etc., ben ça y est, lui aussi, il est saturé, il est fatigué. Hein? Et le fait, la fatigue intellectuelle est beaucoup plus importante que la fatigue avec, quand tu travailles sur un chantier, etc. C'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus énorme. Hein? Et donc, il lui a dit, je parle avec, etc., il commence à se plaindre. Je lui dis, qu'est-ce qui est arrivé? Il me dit, c'est normal. Là. J'essaie de l'expliquer, il me dit, mais non, regarde, les deux hâtes que nous avons, ils commencent à me parler des Hizbi de Bruxelles, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Je dis, ah, tu ne vas pas comparer l'incomparable. Comment tu vas me comparer à un Da'i Hizbi, tu vas me le comparer à une montagne de science. Hein? Ça veut dire que, quand on, nous en Europe, bah, on pose la question, on veut tout de suite. Hada, le problème de la jeunesse européenne, qui sont éduqués, on veut tout de suite. Hein? Quickly, zid. Zerba, là, l'islam, il y a des choses à respecter, et il y a des situations à prendre en considération, etc., etc. Fa, wa yati kama huwa hasil al-yawm yadhhab wa yaqul fulan min al-mashayikh sa'altuhu wa naharani wa qala li kadha wa kadha. Lesh. Et il dit, il va, quand l'homme de science l'a réprimandé, il dit, tel homme parmi les hommes de science, je lui ai demandé, il m'a réprimandé, etc. Peut-être que tu n'as pas été digne dans le comportement. Peut-être que ta question, hein, tu as touché quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Hein. Certains, une fois, devant Cheikh Rabé, hein, il lui dit, est-ce que Cheikh Sudé, ici, c'est un Hizbi? Il dit, toi, tu cherches le fitel ou quoi? Comme ça, il lui a dit, Cheikh, directement, tu cherches le fitel. Il y a des questions à poser. Et ça, c'est la jeunesse d'Europe. C'est pas quelqu'un qui est éduqué dans un pays arabe, qui est l'arabe, etc. C'est là, c'est d'Europe. C'était une assise qui avait que les jeunes d'Europe. Et ça émane ce genre de questions. Il y a eu un, devant Cheikh Rabé, il était là, il y avait quelqu'un qui faisait dans leur région des erreurs. Et il disait à Cheikh Rabé, tu vas lui donner, attends-le, ya Cheikh. Subhanallah, c'est un langage à utiliser avec les hommes de science. Tu ne t'étends pas quand tu entends que les hommes de science sont un petit peu allergiques à la jeunesse de France. Rien, parce qu'il y a eu... Quand tu prends quelqu'un comme Cheikh Abdul Malik Ramadani, il a souffert plus avec la jeunesse de France qu'avec le fils. Et qu'il a combattu le fils, ben il a souffert plus. Il a souffert plus avec les questions et la façon de faire de la jeunesse de France qu'autre chose. C'est pour ça que tu n'étends pas comme maintenant, quand tu te poses, tu es doux, tu y bloques sur la question. Parce qu'il y a eu un grand mal qui a été fait vis-à-vis des hommes de science en Arabie Saoudite et un petit peu partout. Et chaque fitna qui éclate quelque part, dans les années qui sont passées, derrière tu trouves la jeunesse de France. C'est qu'il y a un problème, il y a un hic. Pourquoi? Parce que tout ceci n'a pas été éduqué par des hommes de science et on n'a pas appris le comportement adéquat à avoir avec la science et avec les hommes de science. يقول الإنسان نحن جايين نطلب منه شيئا ونحن ذلك هذا لا ينبغي لأن حال المسؤول ينبغي لك أن تعدله لأنه خاصة في هذا الزمان ليس في زمن الرياض ومن لك منذ خمسين سنة الذين هم في الرياض كلهم 5000 أو 4000 الواحد يسأل سؤالا واحدا في اليوم وقد يمر أيام ما أحد سأل لوضوح الأمور الآن الهاتف كل لحظة يشتغل والمسجد هذا سائل والثاني والثالث والرسائل التي تحتاج إلى جواب ونحو ذلك من المشكلات العظام أيضا التي تحتاج إلى علاج وما أشبه ذلك نون باسكو هذا لوم دو سيونس لا ريبريموندي ان تي بو اي تي سيك افيك لو Nous sommes venus pour lui poser une question, il nous a répondu ainsi, il agit ainsi. Hein? Il ne te sied pas à agir ainsi, parce qu'il faut prendre en considération la situation de celui à qui on a posé la question. Et tu dois lui trouver des excuses. Surtout à notre époque, pas comme il y a 50 ans, hein? à Riyad ou à Médine, etc. Combien d'ombres de personnes ils posaient les questions? Peut-être un dans la journée, peut-être des fois, gars, ils ne voient personne qui posait la question. Maintenant, avec le téléphone, avec les moyens de communication, etc., ça n'arrête pas. Hein? Plus les lettres, il faut répondre aux lettres, etc., de différents pays, etc. Hein? Plus, quand il sort de la mosquée, quand il a fait son cours, etc., combien de questions il reçoit l'homme de science? Hein? Donc, tout ceci pèse sur la vie de l'homme de science. Hein? Et combien de problèmes il doit régler, etc. Et quand il a des hommes, tu prends par exemple quelqu'un comme Cheikh Al-Uthaymeen Rahmatullah, il avait des étudiants célibataires, il se préoccupait s'ils ont mangé ou s'ils n'ont pas mangé. Hein? Donc, il termine avec les sujets dialogue commun, les étudiants à l'université, les étudiants à l'institut, les cours dans la mosquée, et après il se préoccupe de leur vie particulière, pourquoi on ne les voit plus, pourquoi ceci, etc. Donc, il faut la réponse de l'homme de science, tu prends tout en considération. S'il est courte, tu sais pourquoi, c'est qu'il a une raison. S'il t'a réprimandé ou t'a demandé de rappeler plus tard, c'est qu'il a sa raison, etc. فلا بد أن نكون ملتمسين عذرا لأهل العلم ولطلبة العلم. لا بد. وإذا كنا غير ملتمسين للعذر فإن هذا غير جيد في حقنا. ومن ترك مراعاة الأدب، أدب السؤال وأدب الجواب. Donc il faut que nous cherchions des excuses aux hommes de science et aux demandeurs de science. Obligatoire pour nous de le faire. Et si on ne cherche pas d'excuses pour les hommes de science, ceci n'est pas bon de notre part. Ce n'est pas un bon comportement, ce n'est pas un comportement digne vis-à-vis des hommes de science. Et celui qui délaisse ce comportement, bah, il a délaissé quelque chose qui est de son devoir d'avoir ce comportement vis-à-vis des hommes de science. Fala Buddha, il est obligatoire de prendre en considération, car les hommes de science, ils ont un poids sur le dos, une charge très importante sur le dos. Hein? L'enseignement, donner des verdicts, répondre aux questions, etc. Et ils sont... Hein, les phares sont orientés vers eux. Hein, de différentes régions maintenant. De la planète entière. Tu as l'homme de science, par exemple, au Yémen, en Arabie Saoudite. Combien de personnes l'appellent dans la journée? De différents pays de la planète. Hein. Et peut-être des fois que ceux qui posent la question, ils ne savent pas poser la question. Ils ne sont pas... Bien, regardez, celui qui a créé les problèmes pour Cheikh Obeid avec les journalistes algériens et avec l'État algérien, ça a aussi devenu un problème diplomatique. Parce que celui qui était au bout du fil n'était pas digne du comportement que doit avoir un demandeur de... quelqu'un qui pose la question et un demandeur de science. Un musulman, pas un demandeur de science, il n'était pas digne d'un comportement d'un musulman dans sa question. Et sa question, quelques années plus tard, Cheikh, il a été très sévère avec, et ça a créé des problèmes après. À cause de quoi? À cause du mauvais comportement de ce jeune qui n'a pas respecté, qui n'a pas, dans sa question, qui n'a pas été digne du comportement que nous devons avoir vis-à-vis des hommes de science. Hein. Enfin, l'homme de science, c'est un être humain. Il lui arrive ce qui arrive à tout un chacun de nous, d'être attristé, d'être fatigué, d'être surmené, etc. Et donc, il faut tout prendre en considération. Et des fois, l'homme de science peut être dur de caractère. C'est normal. Hein? Il y a des hommes de science qui sont durs du caractère. Hein? Et ça, c'est une nature. Il ne va pas la changer. Il ne pourra pas la changer. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé là-dessus. Donc, dans ces cas-là, tu es obligé de patienter et d'endurer. Hein? Et de choisir le moment adéquat pour profiter de la science de l'homme de science. Abu Bakr ibn Iyash était parmi les hommes du hadith. Quand il était apaisé et reposé, etc., il voit que les gens du hadith, ce sont les meilleurs. Et ce sont les meilleurs des gens. Et quand il a quelque chose qui ne va pas, etc., qui était mauvais de tempérament, il voit que les gens du hadith, ce sont les pires des créatures. Il les sache. Pourtant, c'est un imam du hadith. Et les étudiants, ils le savaient. Donc, ils prenaient en considération son tempérament de coléreux et ils attendaient au bon moment pour pouvoir. Il y avait un certain nombre de sciences qui avaient un chien. Et quand l'étudiant il est dérangé, il lâchait sur lui. Et Allah, c'est l'Amesh. Vas-y, qu'est-ce que tu vas lui dire? Et malgré tout ça, les demandeurs de sciences, ils supportaient, etc. Ils cherchaient les moments adéquats pour lui poser la question. Et quand il est bien et qu'il voit que le respect il est là, etc., ben il s'ouvre, il leur donne la science, hein, à gogo. Hein. Et voilà, il leur ferme le robinet. Hein, vas-y, vous ne méritez pas. Il leur ferme la porte. Et voilà, et les étudiants, ils restent des fois 3-4 heures à attendre devant la porte. Yeah, cher, rien à faire. Vous ne méritez pas. Et c'est aussi une forme d'éducation. Bon, est-ce que la personne vraiment veut ou là on ne veut pas, hein? Parce que celui qui veut, il va assister, etc. Et celui qui ne veut pas, bon, il ne veut pas, bah, tant pis, je m'en vais. Mais qui va être le perdant, c'est lui. Ils n'ont pas l'homme de science. كذلك العلماء يختلفون بعضهم يكون سهل الجواب وبعضهم يكون غير سهل الجواب وهذا راجع إلى طبيعته التي جعله الله جل وعلا عليها فإذا السائل ينبغي له أن يلتمس العذر وأن يتأدب وأن يوقر العالم ويستفيد من علمه بقدر ما يحب العالم وأن لا يقصيه في أموره aussi l'homme de science, les hommes de science sont différents selon la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Il y a certains qui répondent facilement, d'autres ils ne répondent pas facilement comme ça. Et cela revient à la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il les a créés. Et donc, celui qui pose la question doit trouver des excuses aux hommes de science. Et il doit être digne du comportement de celui qui pose la question. Et il doit respecter les hommes de science pour pouvoir profiter de la science qu'ils ont. Hein? Et des fois, certains hommes de science sont durs. Par exemple, Cheikh Ahmed Al-Ansari, rahimahullah ta'ala, il disait à Cheikh Taqi Dililay, rahmatullah alayh, les Maghrébins, ils se plaignent de toi, donc il y a beaucoup qui ne profitent pas de ta science, tu es un peu dur, allège un peu. Il dit, les situations n'ont marché qu'avec sévérité avec moi. C'est tout, il était comme ça. Il dit, les situations n'ont marché avec moi que comme ça. Hein? Avec comme ça, fermeté et dureté dans les situations, etc. Cheikh Taqi Dililay, il avait des positions, il y a peu de gens, hein, rares les hommes de science qui ont eu ces positions à notre siècle. Il rentre dans la mosquée, et on lui dit que l'imam, il est halik, il sort. Halik, il n'a pas de barbe, il sort, il ne prie pas derrière lui. Et des positions qui sont, hein, c'était une montagne de science. Certains hommes de science, comme Cheikh Al-Albani et autres, le considèrent comme l'un des moujahidines aussi du siècle. Hein? Et pourtant, il y avait des positions. Et il a laissé un grand héritage aussi. Hein? Cela n'empêche pas qu'il a laissé un énorme héritage. Et les gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les gens différents les uns des autres. Certains sont durs de caractère et autres, etc. Et aussi, Adam, min al-adab, Adam ihraj sa'il lil alim wa in kana sirran. Faites aussi que celui qui pose la question ne doit pas gêner l'homme de science. Même en privé, il ne doit pas le gêner. Min al-adab al-muhim aydan, adab sa'il, alla yuhrij as-sa'il al-alima aw talib al-ilm. Fait partie du comportement, c'est que du comportement de celui qui pose la question, c'est qu'il ne doit pas gêner l'homme de science ou le demandeur de science. مثال ذلك مثلا أسئلة مرت جاءني في أحد المحاضرات يقول الشيخ سؤال يقول أسألك بالله وبوجهي وأقسم عليك أن تجيب على هذا السؤال فهذا إحراج للعالم أنت تقسم على العالم أن يجيبك تقسم عليه بوجه الله أن يجيبك فكم كمو أوليجينو بو أريفي أليجيني كمزا الشيخ إلى أون فوا une question qui lisait la question lors d'une conférence, je te demande par la face d'Allah Azza wa Jalla, par Allah Azza wa Jalla, que tu me répondes à ma question. Donc là, tu le jettes, tu le mets dans la barre. Et peut-être que la question que tu lui as posée, il n'est pas bon de répondre devant le commun. Hein? Ou n'essayez pas à l'assemblée qui était là de donner la réponse à ceci. Et donc là, tu l'as gêné. Tu l'as mis dans une situation d'embarras. Taïb, yaqul al-shaykh, al-mas'ul qad yakunu lahu nadharun fi annahu لا تناسب إجابة هذا السؤال على العامة فأنت الآن أحرجته شرعا لأن من السنة إبرار المقسم فإذا أقسم عليك أحد بالله فإنه من السنة أن تجيبه من سألكم بالله فأجيبوه donc dans ce cas-là celui qui a posé la question celui à qui on a posé la question et qu'on a mis la face d'Allah subhanahu wa ta'ala on a fait le serment pour qu'il nous réponde C'est que là, on l'a gêné, on l'a mis dans une situation. Donc, bah, peut-être qu'en lisant la question, il voit que cette question, la réponse ne convient pas au commun. Il peut pas. Dans ce cas-là, tu la mets dans l'embarras. Et il est dans la sunna que celui qui vous demande, par Allah, vous devez lui répondre. Qu'est-ce qu'il fera maintenant, hein? Donc, il y a des façons dont on gêne l'homme de science. Hein? Nous, on croit, on veut la réponse qu'on a pris le bon chemin pour elle, mais en réalité, on la met dans la gêne l'homme de science. Hein? Enfin, celui qui demande au homme de science, il ne faut pas que la demande soit gêne l'homme de science et le mette dans une position d'embarras. فالآن أحرجت ويرى المصلحة الشرعية السؤال لا يعرض ولا يجيب عليه وأنت تحرجه شرعا في أن يجيبه. Maintenant, là maintenant tu l'as mis dans l'embarras. Lui, il voit que l'intérêt du commun et l'intérêt de la législation, c'est qu'il ne réponde pas. Et que cette question va créer des problèmes. C'est une réponse, ça va créer des problèmes. Maintenant, tu l'as mis dans l'embarras. Et tu as fait le serment pour qu'il te réponde. وهذا من غاية ما يكون من عدم رعاية الأدب وعدم احترام أهل العلم وطلبة العلم. Et ça, c'est le summum du fait de ne pas respecter les hommes de science et les demandeurs de science et d'être d'un mauvais comportement avec eux. لأنك تريد أنت الإجابة لغرض في نفسك. Parce que toi, tu veux une réponse pour quelque chose que tu as dans ton cœur. Tu veux arriver à un but. C'est pour ça que tu as fait le serment. Et que tu sais que l'homme de science, devant le serment, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu la mets dans la gêne, tu la mets dans l'embarras. ومثل هذا الذي يكون معه إخسام وسؤال بالله غالبا بل الأكثر والجل لا يكون هو الذي يريد أن ينتفع عن نفسه. Il dit حفظه الله تعالى, parce que les hommes de science, ils savent. La question, il la lit, il sait qu'est-ce qu'il veut, il veut avec celui qui l'a posé. Et celui qui, en général, fait le serment pour qu'on lui réponde à sa question, en général, c'est pas lui qui veut profiter pour lui-même. Là. وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ هَذَا جَوَابًا لِأَشْيَاءَ تَتَعَلَّقُ بِالْمُجْتَمَعَ وَتَتَعَلَّقُ بِالْأُمَّةِ تَتَعَلَّقُ بِالرَّأِي الْعَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ يُرِيدُ أَنْ يَنْتَشِرَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ. Souvent, ces questions-là, les hommes de science, ils les capent de loin, dans lequel il a ce genre de serment, etc. Souvent, c'est pas lui-même, c'est pas pour lui qu'il veut la question, la réponse. C'est quelque chose qui concerne la communauté, ou qui concerne une société particulière, ou qui concerne l'opinion publique, etc. Et il veut que la réponse soit propagée. Hein? Donc il agit ainsi, et il met dans l'embarras l'homme de science. Alors que des fois, les hommes de science, ils voient que c'est pas le moment de parler de cette situation, que ce n'est pas encore le moment, que, par exemple, pour la chose sur laquelle tu lui as fait le serment, il a besoin de la réunion d'hommes de science, entre eux, qu'ils se concertent, et de voir l'intérêt où il est, hein, pour pouvoir donner le verdict, etc. Où il est le bien de la communauté, dans quelle direction est le bien de la communauté, hein, dans quelle direction il faut orienter, etc. Et qu'est-ce qui l'orientation convient aux preuves, etc. Et qu'il est la... Et toi, tu lui poses cette question devant tout le monde, hein. Donc là, il y a, parce que tu as dépassé tes limites, tu n'as pas été digne du comportement que tu dois avoir vis-à-vis de l'homme de science, de l'avoir gêné ainsi. L'alim ou talib al-ilm, qad yatruku jawab ba'd al-masa'il li gharadin shar'i sahih yar'a. Parce que l'homme de science, des fois, il laisse, hein, le fait de répondre à cette question, parce qu'il voit un intérêt, voit quelque chose que toi tu ne vois pas. C'est pour ça que Hassan ibn Sadr rahmatullah, il disait, la perturbation avant le fitna, avant qu'il arrive, l'homme de science, il la voit. Avant qu'il arrive. Mais l'âme, mais lui, et le commun, hein, et les débutants, eux, ils vont voir la fitna une fois qu'il est là. Ils disent, ah, le fitna est passé par là. Mais, tu regardes la situation d'Algérie, avant que ça éclate, quand on a parlé à Cheikh Al-Albani, c'est des pétards. Il dit, ils ont gagné aux élections. Il dit, ah, c'est des pétards d'enfants. Ça va passer, rien. Et tous les étudiants qui étaient en face de lui étaient en colère quand ils ont entendu la parole d'Elcher. Deux jours après, ça a éclaté le sang. Donc l'homme de science, lui, il voit loin, très loin. Avant que le fitna éclate, il sait. Parce qu'il voit les signes. Il sait analyser les signes, etc. Il ne connaît pas l'invisible, loin de là. Mais c'est les signes, hein, qui lui permettent de savoir que ce n'est pas bon. Hein. Donc c'est pour ça, هذا الفتنس pour ça des fois là je me dis pourquoi il me répond pas à ma question il répond pas à ta question peut-être que ta question ça va allumer le feu hein et toi tu te rends pas compte hein? Et des fois il répond pas parce que il dit pas ils ont une fois on était avec les frères de les salafis de l'Est dans leur centre et c'était l'époque où la loi du hijab allait passer où on avait des questions-réponses avec Cheikh Abdallah Boukhari et on lui a posé la question. Il a dit comme ça. Il a dit, c'est une question qui concerne toute une communauté, il faut appeler l'Iftar. C'est tout. C'est une question qui a rapport avec toute une communauté. Il concernait combien de 5 millions de musulmans en France. Yak. Et donc, il n'a pas répondu. C'est pas parce qu'il n'est pas capable de répondre, parce que c'est un truc qui concerne toute une communauté, il faut demander au Conseil des hommes de science. Ils vont étudier la situation et voir l'intérêt où il est. Hein? Enfin, les hommes de science, eux, ils voient très loin ce que nous, on ne voit pas. Et ils analysent les situations avant que la situation tombe dedans. وقد يرعى العالم وطالب العلم من المصالح الشرعية ما لا يستبينه السائل. Donc, ils prennent en considération ce que nous, on ne voit pas et ce qui n'est pas clair pour nous. فإذا حرج السائل طالب العلم في مثل هذا التحريج كان هذا في غاية ما يكون من الإساءة. Et quand maintenant, celui qui pose la question a mis dans la gêne, hein, l'homme de science, il l'a mis dans une situation d'embarras, et il est d'un mauvais comportement. فإما أن يجيب عليه العالم فيقع عدم المصلحة الشرعية. Soit maintenant, l'homme de science va répondre, et dans ces cas-là, l'intérêt de la législation ne va pas être accompli. Et qui l'aura poussé à ça, qui l'a mis dans cette situation d'embarras, c'est celui qui a posé la question. Ou alors l'homme de science tombe dans l'interdiction. C'est-à-dire, il n'a pas répondu à celui qui lui a demandé par la face d'Allah. N'importe comment, dans les deux situations, tu l'as gêné. Hein? Et ainsi, on met les hommes de science dans l'embarras. فَيُّ الْمَفْسَدَتَيْنِ أَدْنَا حَتَّى يَرْتَكِبَا. Quel maintenant il va se retrouver dans un dilemme. Qui est le moindre mal pour pouvoir tomber de son moindre mal. Et qui l'a poussé à tomber, à agir ainsi. Nous qui avons mal posé la question, qui l'avons gêné. أَلْ يَرْتَكِبُ مَفْسَدَتَ الْجَوَابِ. Est-ce qu'il va faire le mal en donnant la réponse. Ou alors il va être, papa, il va faire en sorte qu'il ne répond pas. Il ne met pas en application le hadith du prophète alayhi salam qui dit quand quelqu'un vous demande par la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez lui répondre. Et ainsi de suite. Alors on arrête là, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Salli Allahumma sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum. Jazakumullahu khairan.